On est prêt? Yes. Mouches-tu, là? Non, ça va. C'est fini, là? Oui. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Ici Frédéric. Barbouchi, en compagnie d'Antoine Vézina. Salut! Frédéric. Jean-Philippe Durand. Salut, Frédéric. Et... Mathieu Boubou. Ça me fait plaisir. C'est... Ah, bourrin. Bon. Tout croche. Ah, boulet. 127, messieurs. Et dans deux podcasts, on est au bar Les Passages. Oui! Oui! C'est ça, 129? Eh oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Ben, oui, oui, le 18 juillet, on se retrouve au bar Les Passages... qui est sur Rachel, au coin de... Parc La Fontaine. Mantana, genre, dans ce coin-là. Non, Mantana, pas loin de la banquise. Au coin de Paris. Hein? C'est pas Paris. Paris. Non. Rachel, la ville, Paris. Non? Oui, c'est ça. Sur le plateau. Je suis allé Paris. Ouais. Non, c'est ça. Donc, de toute façon, vous avez reçu l'événement Facebook. Mm-hmm. Oui. Accepté, partagé, faites tout cela. Événement viral. J'en dis partagé. Oui. Ah! Ah! T'as pas dit. Ouais. Oui, j'ai dit, j'ai dit. D'ailleurs, dans le guide Ulysse, ça a été mentionné que cet événement-là, pas de problème, live, est vraiment un bon endroit pour amener une date. Hein? Mm-hmm. Parce que tu peux comme regarder le niveau d'humour de la personne. Les trois filles de sortie de filles ont dit la même chose. Oui! Varda, hein? Kim Ross, ils vont tous venir ce soir. Ouais, oui, mais ils arrêtent ça, non? J'ai compris qu'ils arrêtaient. Mm. Et tu me l'apprends. Donc, messieurs, pas de problème? Podcast où on présente, on prend un de vos problèmes, un problème d'auditeur, et oui. On utilise notre charisme pour y répondre. On lui fournit les solutions possibles, loufoques ou très à propos. Mm-hmm. Et je vous rappelle les règles du jeu. Si vous êtes dans un pas de problème party en ce moment, vous avez une bière dans les mains. Ouais. Quand on dit problème, vous prenez une gorgée. Quand Antoine nomme un pourcentage, vous prenez une gorgée. 84%. Oui. Quand moi, je dis Twitter, vous prenez une gorgée. Quand Jean-Philippe dit chou, vous prenez une gorgée. Quand on parle de crise et opportunité, vous calez votre bière. Et quand Mathieu parle de caca, tu cales et tu cries « moufette qui pète ». Voilà. Ah, oh, c'est bien bon, le monde ça. Va être chaud, là. Je devrais mettre les règles sur Twitter. Ben oui, ouais, mais sur c'est vrai. Twitter. Twitter. Ah, yeah. Bon, alors, cette semaine, le problème nous vient de Rémi Vachon. Oh, Banjo, notre ami. Banjo Bouchon. Banjo. Banjo. Le voici, le problème. Banjo. Veux-tu lire avec une petite voix sensuelle? Je vais mettre de la guitare. Non. Donc. Chou. T'en mettras pareil. Il y a toujours de la difficulté. Non, j'ai l'impression d'être les deux humoristes là, qui font de la radio. Voilà. En même temps. Un personnage comique. En les même temps. Gueules. José puis l'autre. J'ai toujours de la difficulté à choisir parce qu'on m'offre. Il est fort, hein? J'ai toujours de la difficulté à choisir lorsqu'on m'offre un grand éventail de choix. Mm. Par exemple, lorsque je veux choisir un film, j'arrive jamais à me décider sur un seul film et je perds un temps fou à hésiter. Le même problème se présente au restaurant. Je regarde le menu et je n'arrive pas à me décider. Et même quand je me fais croire que j'ai fait un choix, j'imagine, je me retrouve souvent à changer le choix que j'avais en tête à la dernière minute lors de la commande et le regretter ensuite. Oh. Partout où on m'offre trop de choix, je finis par tergiverser éternellement. S'il vous plaît, pas de problème. Que dois-je faire pour arriver à faire des choix? Mm-hmm. Merci, Banjo. Mm-hmm. PS, j'adore la voix d'Antoine. Oh! Non, non, non, inventé! Inventé! Non, il a mis ça, toi! Antoine? Oui? Depuis quand ça existe, les choix? Les choix, ben, c'est une bonne question, en fait. Hein? C'est un peu la patate chaude philosophique. Oh, mais le pire, c'est que c'est beau, Banjo, ça. Je pense, c'est un prof de philo. Hein? Ah, ben voilà. Ben écoutez, c'est ce grand tandem entre le libre arbitre et le déterminisme. Oh. Ultimement, est-ce qu'on choisit vraiment? Ou est-ce que ce serait seulement une impression? Dans le sens où le déterminisme, poussé à son extrême limite, on pourrait prendre un individu puis dire, analyser son profil psychologique, oui. ses influences extérieures, tout ça, et dire, ben voici, je suis capable, à la minute près, de déterminer tous ses choix de toute sa vie. Impossible. Déterminisme. Ah ben, il y en a qui disent que ce serait peut-être possible. Ou sinon, est-ce que vraiment on est habité d'un libre arbitre, donc est-ce qu'on fait vraiment des choix? Okay. Mm-hmm. Ouais, c'est embêtant. Mais oui, quand même. Ça, c'est comme le destin. Puis exactement, j'allais dire la même chose. Maître de son destin. Ouais, ouais c'est ça. À quelque part. Ouais. Non, mais c'est ça. Si c'est fait d'avance ou... Ou si c'est être toi. Non, mais c'est ça, mais à l'échelle humaine, tu sais, écoute, si on prend le hasard, là, pour nous, ce qui paraît du hasard, en fait, on pourrait ultimement le calculer. Quand tu lances un dé, pour nous, c'est du hasard, mais peut-être pas aujourd'hui, mais... Si tu prends tous les dés qui ont été lancés dans le monde jusqu'à maintenant, t'es capable de dire, ben, il y en a eu... Oui, mais aussi t'as des ordinateurs assez puissants qui vont calculer toutes les variantes qui rentrent en jeu. Mm-hmm. T'as 84 caméras qui filment le mouvement de ton bras, puis tout ça, ils font la pression atmosphérique, le plastique, la table, ils font... Ça va être un 6, clac, clac, clac, c'est un 6. Ouais, complètement. C'est mais sont-tu capables d'évaluer toutes les variantes, les variables, tu sais, de faire... Parce que des fois, on ne sait pas, hein, il y a peut-être des fantômes. Non, ben c'est ça, mais tu sais, ben, on le voit par exemple, on le voit par exemple avec la météo. Ouais. Il arrive pas encore, tu sais, il prévoit quelque chose au-delà de 24 heures. Mais ça va dans plusieurs métiers professionnels, tu sais, l'actuariat en soi, pour nous, on comprend pas les données de cette affaire-là, mais ça se calcule, tu sais, assez facilement. Là, oh, oui. Les assurances. Mais tu sais, mais si on pousse l'idée, tu sais, où les hommes de la préhistoire voyaient du hasard ou des dieux, des patentes. Ouais. Aujourd'hui, on comprend. Mm-hmm. Est-ce que ultimement nos choix... Écoute, on l'explique parfois. Là, tu vas faire, non, ça, tu as choisi ça parce que... Mm. Tu sais, toutes les avancées en psychologie ou autre. Mm. Mm. Mm. Donc, dans le fond, pas de choix. Ouais. Peut-être. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Là, ben, souvent, on va être placé dans cette situation-là par rapport au restaurant. Hein, le menu. En fait, tout le temps des choix. Oui, non, mais je veux dire, des choix plus. Tu sais, que tu. Ben, il y a une grande partie, c'est ton cerveau hein, qui fait ça. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'il y a des choix, il y a des fois où tu hésites pour vrai, puis il y a des fois où ce n'est pas tout à fait vrai. Mm. Il y a des fois, tu hésites au restaurant, puis tu dis à quelqu'un, choisis pour moi, prends ça. Non, je vais prendre l'autre affaire. Ouais, ben, tu le savais à la base, tu as juste besoin de la confirmation. C'est vrai. Fait que baser ta décision sur quelqu'un d'autre, aller voir un inconnu au club vidéo, faire ces deux films-là, lequel je prends. Prends-lui. Non, je vais prendre l'autre. C'est vrai. Le vrai choix va sortir. C'est chien pour la personne. Mais c'est là que la vraie décision va sortir. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, mais là, tu fais « Ah non, je vais prendre le contraire de ce que tu dis. » Puis je vous aime pas. C'est ça. Vous m'inspirez pas confiance. Mais physiquement, est-ce qu'il y aurait des limites aussi? Les choix, ce serait une partie du cerveau qui est dédiée aux fonctions... On est surveillé. Aux fonctions exécutives. Mm. Et ça prend une source d'énergie particulière qui serait limitée dans une journée. Mm-hmm. Donc, si tu as beaucoup de choix à faire, à un moment donné, la région du cerveau qui est responsable des fonctions exécutives serait plus capable de participer à l'exercice. À un moment donné, ton choix, c'est « fuck it ». Oui, exactement. Justement, tu vas voir le gars du vidéo, tu fais « Hey, lui, il a l'air d'un con. Peu importe ce qu'il dit, je prends l'inverse. » Mais il reste que je pense que ça peut s'entraîner parce que c'est drôle que l'avion passe. J'ai eu l'occasion de tourner avec un contrôleur aérien cette année. Oui. Et ces gars-là, ils font des choix, tout le temps. Puis pas à peu près, tu sais, puis de vie ou de mort, puis ça n'arrête pas, tout le temps. Puis même qu'ils ont une petite salle pour relaxer. Relaxer, exactement, les fonctions exécutives. Puis là, il y a une petite plaque, c'est écrit fessé là-dessus si vous avez trop de stress. Puis, mais intéressant. Mais là, quand j'ai vu ce gars-là, j'ai fait, mais toi, là, au restaurant, tu dois faire, c'est ça que je veux. Ou peut-être qu'il se permet. Ouais, c'est ça, de faire. Attends, revenez dans 5 minutes. C'est à plus petite échelle. Mais faire un stage avec un contrôleur aérien, c'est peut-être une solution possible. Intéressant. À plus petite échelle, un aiguilleur en télé, là, c'est pas pour rien que c'est l'emploi le mieux payant en télé, parce que c'est tough à faire. Des choix sans arrêt. Puis la réussite d'un gala, en reposant entièrement sur toi, toutes les affaires en direct, c'est sûr. Mais les réalisateurs aussi, des choix, ils font. Ça arrive qu'ils le font. OK, la 2, 3. Exactement. Mais tu sais, les aiguilleurs professionnels, ils font juste ça dans les moments live importants. Ouais. Les autres, c'est souvent différé, j'ai l'impression, quand c'est un réalisateur. Mais tu penses pas que, genre, pendant le gala, l'aiguilleur, il fait juste... Ah, il est sur Facebook, là, ça. Ouais, c'est ça. Mais ben, ça, c'est en live, mais un monteur, tu sais, qui doit choisir parmi des rushs aussi, a vraiment des choix à faire. Puis des fois, il se fait des banques d'options, là, tu sais. OK, là, j'en suis à 8 options. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Puis c'est intéressant, c'est un métier qui... de choix. Mais ça me fait penser, Mathieu, toi, en pub, là, souvent, on a eu l'occasion de faire des voix avec toi, puis on t'en fait, là, vraiment beaucoup. Oui, moi, je veux dire plus de même, puis à un moment donné, il faut que tu choisisses là-dedans. Ouais, moi, j'ai quand même un métier qui m'oblige à faire beaucoup de choix. Mm. J'ai beaucoup des choix, t'sais, notamment des rendus de comédien, des mots, beaucoup aussi. Ouais. Des fois, c'est tout pareil, mais on dirait qu'il faut trancher, puis il faut pas avoir peur de se tromper, je pense. C'est comme de. Comme du gut là-dedans, de l'instinct. Mais tu sais, vois-tu, Mathieu, juste pour dire, je pense que ça revient à l'affaire qu'on dit souvent en impro, qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Ouais. Il y a juste du bon développement d'idées. Ouais, et c'est bien dit. Puis je pense que c'est la même chose. Peu importe la décision, il y a moyen de bien la développer. Exact. Ben, quand j'ai eu l'occasion de me faire coacher par Didier Lucien. Ouais. Et avant le match, j'ai dit, bon, si on n'a pas une bonne idée dans le caucus, là, ben prenons la pire. Ah, c'est drôle. Parce que la moyenne. C'est donc, dans tes choix, si tu t'es pas allumé sur quelque chose d'incroyable, c'est pire. Ça que je veux, tu prends le pire, puis là, t'assumes et t'apprends de cette expérience. J'adore ça. C'est vraiment aussi, un bon point. C'est très intelligent. Et je pense qu'il y a moyen peut-être de se brancher sur son cerveau profond. Mm. Le même auteur que. Reptilien? Je sais pas. Celui le même auteur que. Clotaire. Ah ouais, lui, ça a été un succès, ça. Oui. Tipping Point, je vous en parle régulièrement. Oui. Le même auteur a écrit Don't think, blink. Ah ouais. Ne réfléchissez pas, clignez les yeux. OK. Dans le sens où la très, très grande majorité des décisions qu'on prend dans la vie ne sont pas au niveau conscient, mais au niveau inconscient. Wow. Notre cerveau fait un énorme travail et fait plein de choix constamment pour nous. Là. Si toi, tu es concentré sur une affaire bien précise, ton cerveau, il prend tout le reste, puis il choisit, puis il classe, puis il fait des patterns. Il faisait cet exercice-là. Avez-vous 5 minutes? Oui. Ouais, un paquet de cartes bleues, un paquet de cartes rouges, genre. Prends les rouges. Et là, l'idée, c'est de faire le plus de points possible. OK. Dans les bleus, tu fais un petit peu de points, mais des fois, il y a des gros malus, là, tu sais, des moins beaucoup. Dans les rouges, tu fais des gros pointages, mais des gros malus. Là. En tout cas, je ne me souviens pas. Mm-hmm. Il y a clairement un paquet qui est mieux que l'autre. Prends les rouges. Mais l'idée, c'est qu'on s'aperçoit, tu prends un bleu, tu prends un rouge. Au bout de 10 cartes, les gens comprenaient le setup puis ils faisaient « Ah, ben c'est les bleus les meilleurs, j'arrête là. » Je prends juste des bleus. Tu sais, t'essayes. Après 10 cartes, tu fais « OK, c'est clair, je comprends le pattern. » Mais ils sont aperçus, quand ils branchaient des électrodes puis tout ça, qu'au bout de 5 cartes à peu près, le cerveau avait déjà compris. La décision était prise. Oui. Il y avait les mains moites, tout ça. Quand il allait vers le mauvais paquet de cartes, il y avait des hésitations, des tremblements. Il faisait « Ton cerveau, lui, avait déjà compris. » Après 5 cartes, il a fait « C'est le bleu qu'il faut prendre tout le temps, mon gars. » Là, toi, tu continues, tu t'astines un peu avant de comprendre. Et ton cerveau, lui, avait déjà fait ce travail-là. Il y a moyen, mais tu le disais, tu sais, les contrôleurs aériens qui s'entraînent, de faire, de puiser cette force-là, de faire « Non, non, mais la décision est là quelque part, je l'ai déjà. » Tu le disais, on veut juste la confirmer des fois avec le vendeur de vidéos, on veut... Mais c'est là, il y a un gros bout de fait. Antoine, tu sais ce que tu parlais en termes d'une énergie qu'on serait vidé à la fin de la journée, est-ce que donc nos choix sont plus éclairés le matin? Est-ce que quand on choisit bagel au lieu de muffin anglais? T'sais, quand on dit la nuit porte conseil, par exemple, il y a tout un travail dans le cerveau qui se fait de fragmentation, puis tout ça, c'est pour ça que les rêves sont un peu étranges. On fait beaucoup de ménage, mais c'est aussi que, on le sait, là, si t'es plus concentré puis plus en forme, nécessairement, généralement, tu vas faire des bons choix. Donc, on parle de choix pratiques. Après, c'est des choix artistiques, c'est toute une autre affaire. Non, mais on va se saouler et fatiguer, mais on va arriver à... L'après-midi, tes écrits pour le lendemain. Choix important le matin, choix artistique le soir tard. Mais choix de la raison. Il y a toujours le hasard. Oui. Mais il y a une application qui s'appelle Heads or Tails, Tattoo Bitch, qui est... qu'on peut trouver, mettre sur son iPhone. Et dans les commentaires sur cette application-là, il y a... Worst shit ever. Mota qui écrit « I normally think twice before putting something this big into my iPhone because the disk space is limited. » En tout cas, il dit « 100 mégabits pour une application comme ça? Absolutely not. » Donc, c'est peut-être Mais générer du hasard, c'est... Traîneur, mais tu sais, la fameuse... La boule, là. Oui, la boule. Tu sais que la boule, là. Le Magic 8 Ball. Ouais. Ouais, ça, mais non, mais toujours traîner un dé aussi, parce que des fois, t'as plus qu'un choix. Ouais. Tu sais, tu te limites à 6 ou tu fais des... Un dé, moi, c'est un livre, là, tu sais, être capable de produire du hasard, toujours, là, ça peut être le fun. Quand on a à choisir entre deux alternatives, croyez-vous dans la liste des pour et des contre, vous autres, tu sais, là? Ah, ça, c'est de la merde. On dirait que c'est de la merde, ça. Mais il y a toujours un pour ou un contre qui va... Qui fait tout débalancer. Ouais. Bonum ex omnibus, malum ex uno. Oh, c'est ça que je disais. C'est du latin. Le bien est bonum ex omnibus, le bien est entier, malum ex uno. Le mal n'est qu'un. Ça prend juste une affaire négative dans une patente pour tout dérailler. Cette personne-là est super, est intelligente, est jolie, mais elle sent la marde. Ben, c'est terminé. On a été confronté à ça depuis très longtemps. Aristote. Mm-hmm. Aristote, lui, il se disait la chose suivante. Que la nature tend naturellement à faire ce qu'elle doit faire. Mm-hmm. Ça paraît abstrait. Donc, que nos cerveaux tendent naturellement vers la vérité. Ah! Qui fait pipi? Non, que je parle! Donc, si nos cerveaux tendent naturellement vers la vérité, ce qui paraît vrai pour tous, la plupart... Les sages, ou la plupart d'entre eux, ont des bonnes chances d'être vrais. Wow! Hein? Ton cerveau, s'il est fait pour reconnaître la vérité... Non, je vais aller écouter le podcast. S'il y a plein de monde qui pense une affaire, il y a des chances que ce soit vrai. C'est ce que Descartes a fait aussi. Descartes, dans son discours de la méthode, il explique, quand il a revisité, il disait, ben là, ça prend une méthode pour fonctionner. Puis il disait, je vais ce que la plupart des gens pensent, ben je vais adhérer à ça. Comme ça, je vais m'en sortir. Juste pour clarifier, Aristote, c'était un des personnages dans Le village de Nathalie, hein, c'est ça? Non, Aristote, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Ah. C'est le professeur de c'est Jean Sorcerie. Jacques Leblanc qui joue Aristote. Okay. Mais Aristote. Oh non, je me suis trompé. Le choix qui n'existe pas, créer son choix. Non, mais Aristote. C'est Aristote. Ça, c'est plus drôle. Qu'est-ce que ça arrive? J'ai mélangé Aristote et Aristote. OK. Non, je l'avais pas vu venir. Mais le choix qui n'existait pas. Tu vois, mon cerveau profond n'a pas réagi. Depuis l'université de Nancy. Oui. Le choix qui n'existe pas. Ça a pris 2 ans. Ça valait la peine. Oui. Ah, reste bon, le choix qui... Rémi, je te propose un choix qui n'existe pas ce jour. Tu l'essaies une journée. Là. Tu fais tous les choix que je fais aujourd'hui, je dois les inventer. T'sais, on me dit pile ou face, non, je choisis la tranche. Alors, on me dit, tu peux prendre le trio ou le trio tel au restaurant. Non, vous allez m'acheter un cheval. C'est ça. Non, mais tu pousses, tu pousses un peu pour trouver... Ouais. Ta solution. Des frites Oreo. Moi, j'ai la grille, la fameuse grille. On a ce problème-là avec les ordinateurs aux échecs. Une grille d'analyse. C'est-à-dire, par exemple, vous connaissez peut-être cet exemple-là, entre comédiens. Mm-hmm. Pour choisir un contrat, ça te prend 2 affaires positives sur 3 dans... Est-ce que tu fais de l'argent? Est-ce que les gens sur le projet sont sympathiques? Est-ce que le projet en soi est intéressant artistiquement ou pour toi? Ouais. Donc, ça t'en prend 2 sur 3. OK. Si c'est un projet intéressant, puis le monde sont le fun, même si ça paye pas, tu y vas. T'embarques. Ça paye, le projet est intéressant, mais le monde sont plate, tu y vas. Mais ça paye, le monde sont plate, puis le projet n'est pas le fun, ça vaut pas la peine. Okay. J'avais entendu dire, vas-y donc. Ça paye en esti. Ouais, là, ça paye en esti. Ouais, mais le monde sont plate. C'est autre chose, hein? Ouais. Bon, ben, en tout cas, mais vous voyez l'idée, là. Ouais. Complètement. Donc, ça te prend. Tu sais, si t'as ta petite grille pour chacun de ces choix-là, ça prend quelque chose, ça peut devenir relativement complexe. Okay. Et, Monsieur? Oui? Le repérage. Faire des choix. Tu sais, moi, je sais que ça me prend du temps, faire des choix. Je vais y aller la veille. Comme ça, quand on va arriver au cinéma avec mes amis, je vais faire, moi, ça me tente de voir tel film. Tu veux dire prendre la décision d'avance? Ouais. Te donner un temps de réflexion supplémentaire. Ouais. Tu vas sur le site, tu sais, vous allez au restaurant, va sur le site Internet. On va checker le menu. Ah, c'est bon, c'est sûr que c'est bien. Je relance. Pourquoi pas essayer? Aujourd'hui, je suis mon instinct. Mm-hmm. Fait que tous mes premiers choix, je le fais. Puis le lendemain, tu fais tes deuxièmes. Tu dis, premier choix que j'ai eu, je le fais jamais. Puis, quelle journée? Ou l'inverse? Tu fais tes deuxièmes choix la première journée, puis tes premiers choix la deuxième. C'est ça, tu le pas George dans Seinfeld? Je sais qu'on vient souvent avec ça. L'inverse. Il fait l'inverse systématiquement de ses choix. Parce qu'évidemment, sa vie va moyen avec ses premiers choix. Puis tout d'un coup, tout se met à marcher. C'est une journée, ouais, incroyable. Ça ouais. Écoute, c'est extra... Il fait l'inverse. Ouais, cette fille-là, je ne serais jamais allé y parler. Bonjour, j'ai pas d'emploi. Je suis au chômage, ouais, j'habite chez mes parents. Bing. Salut! Ouais. Ou, évidemment, mais là, tu peux peut-être aussi travailler par procuration, là. Quelqu'un que tu admires, pour qui tu as du respect. Ouais. Tu as ce gars-là, Colin, qui connaît ça, le cinéma. J'adhère à ses choix. J'avais ça discrètement. Aussi, dans le sens où... Il a aimé ce film-là, je l'ai aimé aussi. Le décideur du jour. Oui. Fait, aujourd'hui, c'est Antoine qui décide pour moi. Plot, t'as une place, tu le textes. Antoine, soulier brun ou soulier noir? Brun. OK. Ah, ouais, mais t'es au resto, puis il y a quelqu'un, tu fais... Cette personne-là a choisi toujours la bonne assiette. Tabarouette, je sais pas comment elle fait. Ah, il a choisi ça. Ouais, je vais prendre la même chose que monsieur là-bas. T'es content. Merci, bonsoir. Il se trompe jamais. Moi, ma semaine... ma semaine, moi, est déjà divisée en trois. Il y a les jours Antoine, les jours Jean-Philippe, les jours Fred. Et puis, ça va pas bien. Ben, un jour sur trois. Pas si pire, ouais. C'est qui, là? Il y a des trois, c'est plus dur. Non, mais moi, je pense qu'une bonne solution serait de s'entraîner à faire des mauvais choix et de ne pas les regretter. J'adore! C'est comme l'exposition des TOC, des troubles obsessifs compulsifs. Ouais, ouais. Ils s'exposent à ce dont ils ont peur, puis ils voient l'anxiété monter, puis elle redescend, fait que ça dédramatise le TOC. Mais c'est ça, tu pour rejeter comme la peur. Comme le trésor en moi. Oui. Tu rejettes la peur. Tu vois les choix. Ouais, c'est ça. Donc, tu te... Génial. Ouais. Fait que tu vas au restaurant, tu prends genre le foie de veau qui a l'air pas bon. Mais je vais prendre le poulet cru. T'es en train de voir le sashimi de volaille. Donnez-moi le poulet cru. Le sashimi de volaille. Ouais. Mais ça ressemble un peu à l'idée de Didier qui est de prendre la pire. Ben ouais, c'est ça. Puis d'en faire quelque chose de bien. Ouais. C'est parfait. J'aime bien cette idée-là. Je vais manger à l'hôpital. Mais dans le pire des cas, tu vas découvrir les affaires. Ouais. Ah ouais, tu vas t'apercevoir que c'est... C'est des mauvais choix. En tout cas, tu vas peut-être t'assurer de choses que tu n'aimes pas. Faire c'est important, ça aussi. Plus jamais. C'est important d'essayer. Ouais. Mais faire des choix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Faut pas regretter, c'est tout. Lâche pas. On va te voir sur Twitter? Ouais, ah, ouais, non. Ah, il y a Yves Doucet. Qu'est-ce qu'il dit? Choisir l'option la moins difficile à prononcer. Hein? Ah, systématiquement. Ouh. Ben, je sais pas, ça doit. Il y a le rasoir d'Occam aussi. Comment? Le rasoir d'Occam. Ouais. Occam, ce philosophe anglais, je pense. Non, mais il dit entre plusieurs solutions, choisir la plus simple. OK. C'est essentiellement ça, le rasoir d'Occam. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Que la nature tend vers des solutions simples. Oh. Mais on va souvent choisir par rapport à notre plaisir, bien-être. Mais tu sais, si tu as plusieurs solutions devant toi, la plus simple est probablement la bonne. Ouais, ouais, ouais. C'est ça ouais. qu'il disait, au Occam. Ouais. J'avais pas ça. Mais on, ça, on a une petite tendance à se faire peur. Ça fait peur. On dirait que c'est comme ça va nous faire faire des choix paresseux ou. Oui, les deux. Qui nous pousseront jamais plus loin. Ben non, mais efficace, paresseux, ouais. crise, opportunité. Oh! Igloo. Mais. Mais si. On essaie d'hésiter tellement longtemps que on nous impose des choses. Ah non, dégueu. Je sais, c'est une solution. Ben, mais moi je pense qu'on y est à moitié, là. Ouais. Ben, tu sais, avec la publicité... quelqu'un qui commande trop longtemps, là, on est fait, là, OK, hey, on s'en crisse. Prends les croquettes. Prends un burger. Mais non, mais c'est ça. C'est rendu là. Merci, Jean-Philippe. Je ne savais pas quoi prendre. Merci. Ouais, ces choix-là, mais il y a un grand bout. Il y a du monde qui veut le décider pour nous autres. Ouais. Je vous le dis, moi. Le monde, les publicités, entre autres. Oui, je te pointe. Oui. Hey, t'as choisi mon assureur, toi. Ah, ouais. Hey, j'ai jamais choisi McDonald's, puis j'y vais. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est mais non, mais tu sais, la publicité, le conditionnement, c'est le ça, ça c'est normal. Ben non, tout le monde a ça. Puis ben oui, ça te prend, ça en prend plus. Écoute, je dis pas que c'est une bonne solution, je dis que c'est une solution. Oui, mais j'adore ça, moi. C'est vrai. Non, ça, c'est une solution. Le despote. Ouais. Choisis, je choisis pour vous. L'ordinateur, choisis pour moi. Le poulet au yogourt. Ah, ça vaut une gorgée, hein? Ouais. Inside joke, là. Ouais. Ouais, faire des choix. Toutes les mentions de podcasts précédents, c'est une gorgée. Ouais. Ah, Puis si vous êtes capable de dire en même temps que nous, les autres boivent, mais pas vous. Oui. Les autres boivent. Oui. Les autres boivent. Buffalo. J'adore ça. Avez-vous des solutions préférées, messieurs? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans qui vous tente? Moi, oui. Moi, j'ai. Ben, c'est ce que Fred a dit, m'a tellement allumé, là. C'est tenter un peu le mauvais choix ou le pire choix ou. Essayer de. Ou vivre en assumant les conséquences du pire choix possible. Et ici, on dirait que ça rend ce choix-là comme quelque chose de bon puis de bien parce qu'il nous fait faire de meilleurs choix autour. Toi, ton choix de t'éloigner du micro comme ça, là. Mais je parle plus fort, par exemple. Il a fait le pire choix. Voilà. Et voilà. I will kill you. Ça, tu peux voir. Ouais, ah, okay. C'est autoréférentiel, cette affaire-là. Non, mais vu que j'ai renifle beaucoup de la mort. Enfin, ah, ouais. Les allergies, hein? Ouais. Ça doit faire 2-3 semaines, là. Oh, ouais. Oui, ça me meurt. Puis ça n'a pas l'air de passer cette semaine, là. Je pense que la semaine prochaine aussi, là. Ouais, pour moi, là, ça va, ouais. Solution préférée, toi, qui rit? Je te laisse ça, Antoine. J'en fous. Vas-y, moi, je pense. Je vais peut-être dire la même que toi. Chou Philippe. Tu vois, ça... Choisir comme quelqu'un qu'on apprécie. Non, moi, l'idée du despote, je trouve ça intéressant aussi. Aujourd'hui, tu choisis mes affaires. Puis ça permet ça, les textos. Ça permet de pas trop gosser la personne avec un téléphone pour lui dire « Qu'est-ce que je mange? » La personne te fait. Ça. Sujet, poisson. Parfait. Tu manges ça. Ouais, mais tu sais, t'en vas 2-3 choix. Ouais, moi, je vais l'essayer, je pense. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Bonne idée, Fred. Moi, un d'or. C'est pas long. Où on va en vacances? Ouais. Boing. Avec qui je m'en vais? Espèce d'or. Aïe, aïe! Aïe, ah, je m'en vais avec toi. Il est encore vivant. Ouais. Tu piches son dard partout. Ah, lui, il m'énerve, il a toujours son dard. Tout le temps, tu traînes des dards. Ouais. Je vais prendre cette voiture-là. Mais non! Vous allez l'abîmer. Bullseye. OK. Non, non, mais le hasard, des fois... En tout cas, je pense que... Sincèrement, moi, c'est l'instinct, tu sais. Tu le disais, le cerveau, c'est déjà... Don't think, blink, mon gars, blink. Blink, bing. Mais si t'hésites, vas-y pour le hasard. Ou le pire choix. Ou tu blinks 182 fois. Oui, blink 182. OK, bravo! Ah, bravo. Ça close la patente. Voilà. Hey, vous avez des solutions pour Banjo? Hein? Oui. À qui on a imposé son nom? Ouais. Banjo. Oui. Despot. Banjo Bouchon. Banjo Bouchon. Ben, écrivez-nous sur Facebook et proposez-nous aussi vos solutions, vos commentaires, vos problèmes. 5 courriers. Courriers. Ouais, sur iTunes Store. Un seul choix, 5 courriers. Ouais. Ça, là, il n'y a pas de choix. Pas de choix. 71 personnes ont dit 5. Ah ouais? Personne n'a dit quelque chose d'autre. Hey, c'est ça, là. Puis, merci. C'est exceptionnel. Vous êtes fin pour vrai. On allez-y une deuxième fois. Oui, oui. Ben faites un compte pour votre temps. Puis allez-y. Voilà. Yay! Fred. Quoi? Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Tu veux que je dise le mot de la fin? Non. Il vient de le faire. Moi, je décide que c'est Mathieu qui le dit. Ah, ça, c'est ton choix, ça. Vous avez... Attends, m'a texté à Fred. Bonsoir. Vous avez... Vous avez...